2, 1. Knicks on fire tonight. MSG is the place to be. Sup, no. Stop. Give her what she wanted through to Sunday. Pas un jour, pas une semaine sans qu'on parle des New York Knicks. On est de retour. C'est l'épisode 152, déjà. Il reste plus que deux semaines de régulière, déjà. Je suis avec Seb. Toujours. Ça va, Seb? Ben ouais, ça va super vite, hein. Déjà. Ça va super vite. Plus que deux semaines, quoi. C'est. Et après, on va rentrer dans les affaires très sérieuses. Là où on attend les Knicks. Hein. La régulière, bon, on les attendait. C'était pas vraiment, vraiment au rendez-vous. Mais on va avoir l'occasion de parler de tout ça. Vous le savez, comme toujours, il y a beaucoup de choses à dire sur la planète Orange and Blue. Il s'est passé des choses en coulisses, il y a eu des clashs, oui. Il y a eu des awards, et ouais, pas un, mais deux. Vous avez suivi tout ça? En tout cas, nous, on l'a suivi, et on perd pas de temps, on lance le petit jingle, et on regarde ce qui s'est passé la semaine dernière. Allez, let's go. Eh ben oui, je vous parlais de Awards. Des Awards, c'est pas que les Oscars, voilà, c'est pas que les Flammes, des choses comme ça. Non. Il y a eu deux Knicks qui ont été récompensés cette semaine. Un du côté de New York, un autre du côté de Westchester. Tu te rappelles de Isaiah Roby? Eh ouais, j'y croyais quand ouais. Je l'avais signé. Je me suis dit, ah lui, ça... je crois que j'en avais fait l'année dernière, puis j'en avais fait ma surprise. Ou... Il y a un an ou deux, ouais, c'est lui. Préparez-vous, vous y attendez pas, haute tech, ça sera lui. Non. Voilà. Ça arrive qu'on se loupe un peu. Bon, un joueur de profil intérieur qui a évolué, qui a été formé à l'école OKC. Bon, bah aujourd'hui, il évolue en G-League avec les Westchester Knicks, l'autre équipe des Knicks. Et il a été récompensé comme Karl-Anthony Towns pour ses bonnes actions envers la communauté. Alors, Isaiah Roby porte le numéro 7 aux Knicks de Westchester. Numéro 7 aux Knicks, ça se porte plus trop. Mais bravo en tout cas à ces deux joueurs qui ont... apporter des contributions diverses et variées auprès d'enfants, auprès d'associations. C'est aussi ça la NBA, hein. On parle souvent des stats, des salaires, mais bah voilà, c'est quand même une ligue qui est assez active sur le milieu associatif et qui redonne un petit peu à la communauté. C'est l'esprit aussi américain, un peu de solidarité. Ça fait pas de mal parce que des fois les inégalités elles sont sérieuses et sévères. Voilà, Karl-Anthony Towns récompensé pour ses bons gestes et puis un petit peu aussi récompensé par la vie puisque le papa de Karl-Anthony Towns qui avait quelques soucis de santé semble-t-il va un petit peu mieux. Donc voilà, tout commençait bien en ce début de semaine dernière. J'ai deux cartes de Isaiah Roby signées en X. Knicks avec un jersey. Alors je pense New York que Knicks. Oh, je pense que c'est des Summer League. Je crois que c'est des jerseys Summer League. Ouais. Mais c'est la franchise des New York Knicks, hein, Summer League. Bah, ce qui se passe à Vegas reste à Vegas, mais pour autant ils représentent les New York Knicks et il y en a un paquet à être passé par la Summer League. Hein. Bon, Isaiah Roby avait eu l'occasion de faire, je sais pas, du two-way contract où il y avait eu quelques petits essais en début de saison. Il y a quoi? Il y a deux exercices de ça. Non, c'était pas la saison dernière, c'était il y a deux ans. Bon, en tout cas, il évolue maintenant là-bas. C'était la saison d'après, celle où on va en finale avec Grimes, avec ouais, avec McBride. Les Blazers, il me semble, hein, à l'époque. Bon, la Summer League, on a encore un petit peu de temps. Ça sera pour le mois de juillet. Ça se passera encore à Vegas. Vegas qui devrait, a priori, semble-t-il, accueillir une franchise NBA. Ouais. Bon, ça, c'est une autre histoire. On aura l'occasion d'en parler un petit peu plus tard. Ça va. Bon. Changement pour la conférence, ouais. Ouais. Il y aura un petit peu de cartes rebattues. Est-ce que les cartes ont été rebattues dans la conférence Est? Les Knicks avaient trois matchs la semaine dernière. Un match à domicile, deux matchs en road trip. Elles ont été rebattues. Alors, il s'est passé pas mal de choses. Alors, on va vous écouter ça un petit peu ensemble, un peu en mode freestyle, sur les événements marquants de la semaine. Et un des premiers événements marquants de la semaine, eh ben, c'est le clash. Le clash entre qui? Josh Hart. Tiens donc. C'est du chambrage, du troll? Non. Il était sérieux. Il a recadré l'ami, ou certains diront Bozo le clown, Stephen A. Smith, après sa sortie, où Stephen A. Smith, dans ses médias traditionnels, ESPN ou autres, c'est quoi, c'est First Take, son émission, j'avoue que je la regarde peu, j'en entends parler dès lors qu'il y a des sorties de sa part, avec un style toujours très caractéristique, dans l'outrance, voilà, monsieur aime le verbe haut et fort, et il s'en était pris un peu, à qui ça, à Mikal Bridges, du moins à Jalen Brunson, oui, il avait critiqué Jalen Brunson en le tenant responsable finalement d'un échec à venir des Knicks qui n'irait pas en finale, parce que vous comprenez, on a fait venir Mikal Bridges à un prix qu'on a payé très très cher, et que ça c'était un peu la faute de Jalen Brunson. Bon, une tech, un là, Stephen A. Smith, un petit peu what the fuck, un peu à côté de la plaque, se diront certains, ou peut-être que certains fans acquiesceront le diagnostic, l'hypothèse, en tout cas, les... C'était quoi, parce que c'est... Parce que c'était son pote, c'est ça? Bah, il y a de ça, on a fait venir Mikal, on aurait peut-être dû attendre, parce que tu comprends, si on avait attendu ces 5 tours de draft, là, échangés, bah, on aurait peut-être pu avoir Giannis. Bon, ça, c'était il y a 2 ans, parce que Giannis était disponible sur le marché. Encore une autre histoire. Est-ce qu'il le sera? On ne sait toujours pas. Giannis, c'est compliqué. Mais voilà. Et ce à quoi, bah, Mikal n'a pas répondu. JB non plus. Mais Josh, oui. Josh, quand on lui tend un micro, il n'a pas de problème pour répondre assez librement, sans faire trop de langue de bois. Et voilà, il a plutôt recadré gentiment en disant à Stephen A. Smith de la fermer, la ouais. mettre en sourdine, en veilleuse, ce qui n'est pas gagné avec ce là, genre de et il a dit le terme de fan, entre guillemets, hein, par l'intermittence. Ouais, ça qui lui a pas plu à Stephen A. Smith. Il lui a dit, C'est un fan des Knicks à temps partiel, quoi, ou ouais. alternance, quoi, hein. Un part-time Knicks fan. Ça. Et ça lui a piqué à Stephen A. Smith. Parce que Stephen A. Smith, il se revendique Knicks fan depuis des années, et puis il est dans la douleur de ne pas avoir connu des titres des Knicks depuis 73, et c'est long et c'est compliqué, alors il critique les Knicks. Toujours, voilà. Dans son style. Et donc, il y a eu l'épisode 2. L'épisode 2, où Stephen A. Smith a dit, bah non, mais en fait... là où Josh Hart l'avait traité de fan par intermittence, ou on pourrait dire un basket-X, une insulte suprême, ce qui n'a pas plu à Stephen A. Smith, parce que tout de suite ça le fait passer pour un bolos, hein, on va dire les termes. Et ben voilà, et puis il a dit qu'il connaissait pas les joueurs de l'équipe, donc il critique les joueurs de l'équipe, mais voilà, il les connaît pas, il est pas proche d'eux, il est pas proche du groupe. Et c'est vrai qu'on le voit pas si souvent que ça au Madison Square Garden, on le voit pas si souvent ça non plus au niveau des camps d'entraînement ou autre. C'est pas un insider des Knicks, Stephen A. Smith, comme pourrait l'être Yann Bagley, Stéphane Monty ou Fred Katz, qui se couvrent plus finement, plus régulièrement et plus exclusivement l'actualité des franchises de New York. Il y a aussi des Nets, mais surtout des Knicks. Et donc, Stephen A. Smith a répliqué en disant, bon, alors ok, avec un ton un peu plus apaisé, mais en disant que non, Josh Hart, c'est à toi de la fermer, joue ton jeu, moi je connais ceux qui te payent tes chèques, qui te font ton salaire, moi j'étais fan des Knicks quand t'étais un joueur des Lakers, quand t'étais un joueur des Pelicans, quand t'étais un joueur des Blazers. Et puis voilà, je m'en prends pas à Mikal, je l'aime Mikal, d'ailleurs toi aussi je t'aime. Mais Léon Rose, t'as trade pour un prix qui est trop payé, tout ça. Stephen A. Smith, Josh Hart, il n'y a pas eu de réplique de Josh Hart depuis. Le prix du trade se discute, hein. De toute façon, quand on est tous d'accord pour dire qu'on a surpayé Mikal. Quand le trade était tombé, après être passé, après que la hype soit passée. Ben, c'est vrai que quand tu t'es posé, tu te dis putain, quand même, c'est vrai qu'on a lâché tout ça pour. Ça fait beaucoup. Lui. Et donc, du coup, on a eu une attente légitime sur Mikal Bridges. Et cette attente, ben, je crois qu'encore à l'heure actuelle, elle est là. Donc, oui, en fait, on se sent tous un peu. Je sais pas, ouais, sur notre fin, quoi. Et en se disant, ben, enfin, on a payé. Alors, c'est vrai que c'est très mal de parler comme ça, de dire on a payé pour un produit, mais c'est pas le cas. Mais en fait, on a. Je mets on, mais je dis la c'est Léon Rose. A investi énormément envers un joueur qui, pour l'instant en tout cas, a eu quelques éclats, mais je dirais que dans la catégorie, si on devait faire deux colonnes, entre déception et satisfaction, la catégorie déception est quand même un peu plus remplie que satisfaction. Mais La bon. balance n'est pas équilibrée dans le sens où on peut dire qu'on est satisfait de Mikal Bridges. Oui, il y a eu des flashs, comme tu l'as dit, ça a été sur certains matchs réguliers. Il y a eu des flashs en playoff aussi, très importants, et on essaye de se raccrocher peut-être à ça. Cette saison, il y a eu un changement de coach, on espérait un rôle un petit peu plus important de Mikal, ce n'est pas le cas. En ce moment, et on l'a dit ici, il traverse une période où c'est compliqué dans son jeu. Il a du mal à avoir une production régulière, à peser dans le jeu, en fait, en tant que membre important de l'équipe. Il y a sa ligne comment dire, de marathon qui continue. Il enchaîne les matchs, il est présent. Ouais. Rien que ça, c'est important. Mais ça fait pas tout. Ça fait pas tout. On a du mal à sentir l'impact dans le jeu. Alors oui, Stephen Smith, il peut être critique au regard de Mikal. Mais il critiquait Jalen Brunson en disant, ouais, c'est la connexion Villanova et on a donné tout en gros à ce joueur et c'est à cause de JB et de cette importance qu'il a dans la franchise qu'on n'ira pas au bout. Bah, en fait, si on parle d'équipe contender ou outsider, c'est aussi grâce à JB. Donc, faut peut-être pas non plus tout mélanger. Donc oui, les Knicks sont surpayés. Il y avait une analyse a posteriori de cette déclaration de Stephen Smith Knicks Fan TV qui était plutôt juste et pertinente en disant que bah oui, il y a une taxe dès lors qu'on s'appelle les New York Knicks et qu'on veut recruter un joueur, qu'on veut trade un joueur. Faut pas oublier qu'on a envoyé des contrats expirants de Bogdanovic. Qui voulait de ce contrat-là? Pas grand monde. Donc voilà, il a fallu surpayer avec des pics. C'était la valeur qui était demandée. On aurait peut-être mieux fait de faire l'impasse et de s'orienter vers un autre joueur. Ça, c'est toujours facile à dire a posteriori. Comme je dis, Aujourd'hui, retour sur on est investissement, non, mais on est peut-être plus que l'été qualifiés. prochain, on tournera la page. Peut-être que aussi, s'il y a un beau parcours des Knicks en playoff, on se dira, bah, ça les valait en fait, finalement, c'est pique. Si c'est le prix à payer, S'il y a un titre, peut-être. Peut-être. mais On oubliera tout ça. s'il y a un titre. Ceci dit, aller dire à un joueur aussi ferme là et dribble, on l'a déjà entendu, c'est un peu minable. On aime avoir des joueurs qui ont du répondant. Les joueurs ont répondu. En l'occurrence, Josh Hart, il a répondu. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de déclarations de Mikal en ce moment. Hein. On ne le voit pas dans les médias, dans les interviews d'après-match. Et il est sûrement au centre des regards de pas mal d'observateurs. On a rarement, voire jamais, non plus de déclaration de Léon Rose, parce qu'à ce moment-là, si les critiques, c'est vers là qu'elles doivent aller. Jalen Brunson, peut-être que c'est un joueur important. Peut-être qu'il a une aura, une influence dans l'équipe et dans la franchise. Mais qui a réellement fait les opérations basket? C'est le président des opérations basket. Et si les critiques doivent aller quelque part, c'est aussi à cette direction-là. Donc bon, Stephen et Smith, hein, On prend on le mesure premier, hein. toujours ses propos. On sait qu'il aime se mettre en scène. Voilà, on le connaît. Voilà, ça. Mais ça rajoute un petit peu de piment à cette semaine. Et est-ce que c'est des distractions dont les Knicks se seraient bien passés? Sûrement, parce que sur le terrain, c'est une période importante avant l'arrivée des playoffs. Et il y avait des matchs importants. Est-ce qu'on parle un petit peu des matchs? Oui, on va en parler. Est-ce qu'on parle de l'arbitrage? On peut. On peut parler du coach aussi, le coach Mike Brown, qui s'est pris sa deuxième technique de la saison. Tiens donc, visiblement, Mike Brown est un petit peu tendu sur certains matchs et, curieusement aussi, toujours sur les matchs face à C'est OKC. dingue, Mike. Qu'est-ce que t'en as pensé? Qu'est-ce que t'en as pensé de cette deuxième technique prise pour un match retour, donc face à OKC de Mike Brown? Non, mais après, oui. Moi, ça ne me dérange pas que les coachs prennent une technique. Ça montre justement qu'ils sont investis. Je peux faire un coach qui prenne une technique et qui se sente. Qui se, qui, tu vois, oui, au moins, il Limite, n'est moi, je pas. trouve qu'on le Non, voit mais pas assez, en au moins, fait, il n'est pour son pas. style. Au moins, il n'est pas, tu vois, il n'est pas apathique. Il n'est pas en mode, oh, bon, quand même, On pourquoi? subit. Non, mais au moins, vraiment tu pas de vois, bol, hein. on va dire, il est agressif, quoi, tu vois. Il en veut, il est combatif. Et quelque part, bah, qu'il prend une technique, moi, ouais, ok. Moi, je suis pas. Ça m'offusque pas. Je suis même plutôt. Je suis même plutôt pour, en fait. Bah, à la Vas-y. limite, il le fait pas assez, en fait. Ouais. On est passé d'un Thibodeau qui avait tendance à râler ouvertement sur les arbitres, à mettre la pression régulièrement. Je sais pas combien il a eu de technique, Thibodeau, en tant que coach génique. C'est un truc qu'il faudrait regarder. faudrait qu'on regarde ça en fait à tête reposée. D'ailleurs, si vous le savez, dites-nous en commentaire. Si vous savez combien Tom Thibodeau a eu de techniques par saison ou sur l'ensemble de son passage à New York. Mais effectivement, on est sur deux coachs qui ont deux styles différents. Et Mike Brown, des fois, justement, semble un peu en retrait. On se demande son côté un peu jovial, voilà, qui nous plaît différemment, hein, ou nous plaît pas. Mais là, oui, bah écoute, sur des matchs comme ça, il met un peu la pression sur l'arbitre quand ça se passe pas bien. Ça s'était pas bien passé face à OKC au Madison Square Garden. Ça s'est repas très bien passé avec l'arbitrage face à OKC à OKC. Bah, il est sorti de sa réserve. Bon, c'est pas ça qui a fait perdre l'équipe, hein. On n'était pas sur un match serré où on se dit tiens, un lancer franc a tout changé. Mais voilà, c'est peut-être qu'aussi l'approche des playoffs va commencer à mettre une certaine pression sur Mike Brown. Qui... Et puis mine de rien, bah aussi, parce que bah, finalement, l'équipe a le même bilan que l'année dernière. On a exactement le même bilan. Au bout de près sur les mêmes heures de passage, les temps de passage. À 74 matchs, comme l'année dernière, on a exactement le même bilan que l'année dernière, c'est-à-dire 48-27. Pareil, tout pareil. Peut-être pour le même résultat comptable à la fin, peut-être. Moins bien, mieux. Ça se joue, en fait. L'année dernière, on avait fait 51 victoires. Le calendrier, au niveau du calendrier... Pour faire similaire, c'est-à-dire 3 victoires, on a encore quand même, je pense, 3 à 4 équipes qu'on est susceptible de gagner. Donc on devrait... Ça semble être à la portée des Knicks d'égaler le bilan de l'année dernière. Sur le papier. Avec une équipe... sur le papier. Parce que, si tu veux, je mets Charlotte... Dans le lot des équipes qu'on doit gagner. On va en parler dans quelques instants. Moi, j'arrive pas, si tu veux, à m'enthousiasmer. Je lis bien, hein, parce que j'ai eu des petits débats avec certains de la commu Nix. Notamment sur le fil de discussion qu'on a, certains sont en mode non, mais de toute façon, la saison régulière, ça se joue, mais là, on va vraiment les voir, là, ça va être en play-off, ou, en fait, là, ils vont élever leur niveau de jeu, là, en fait, ils le vont bien défendre, là, ils vont, d'un coup, ça va être différent parce qu'on a l'expérience et tout, enfin bref, donc d'un coup, tout va aller mieux. C'est-à-dire que désormais, juste un simple pick and roll. Playoff activé, quoi. Ouais, c'est-à-dire que désormais, en fait, l'Enix, c'est simple pour nous battre. Il faut juste faire un pick and roll. Et là, ce sera plus le cas, en fait, visiblement, parce que là, tu les vois. On fait un pick and roll, un simple. On nous troue. Mais là, en playoff, tout va changer. Donc, si tu veux. Moi, bon, je suis pas partisan de ça, je suis pas ok avec ça, je l'ai fait savoir, je suis pas ok avec ça. J'arrive pas à m'enthousiasmer, moi, j'arrive pas en fait à me dire, ouais, c'est vrai que cette équipe, elle a une gueule de champion. Ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai. Cette équipe, non, en fait, j'arrive pas à... J'ai eu beaucoup de désillusions cette saison. Alors oui, ok, on va me dire, ouais, mais regarde, le net, le defensive rating, oui, rating, les machins, okay. On peut trouver quelques éléments où il y a eu progression, ouais. Il y a du mieux. On peut en trouver, oui. Mais est-ce qu'on attendait mieux? Mais la saison n'est pas finie. On me dit, regarde, on sortait d'une série de 7 victoires. Ouais. 7 victoires contre Utah, contre Indiana. Contre Golden State décimé, contre Indiana encore, contre Brooklyn, contre Washington, contre la Nouvelle-Orléans, c'est-à-dire que des équipes de bas de classement. Les Pels, ça allait un peu mieux ces derniers temps. Ah. Mais tout de même, on est sur des équipes qui ont un bilan qui était en dessous des 50% de win. T'affrontes les deux équipes de Los Angeles. Ah ok, il y avait Denver. Mais avant ça, t'affrontes les deux équipes de Los Angeles, tu te fais taper, et comme il faut. Et après ça, t'affrontes Charlotte et OKC, tu te fais taper et comme il faut. Alors, enfin, bon, OK, si. Mais bon, écoute, ouais. Bon. Et, non, moi, globalement, on attendait mieux de cette saison régulière, c'est certain, parce qu'il y avait une hype. Toujours en début de saison, on attend des choses, on attendait une progression. On avait une impression de plafonner, d'avoir un plafond de verre avec le coach Thibodeau. On n'a pas globalement révolutionné non plus les rotations. Voilà, on a le même 5 de départ que ce qu'on avait la saison passée. Oui, il y a des joueurs du banc qui ont un peu plus émergé. On pensera à Chamet, on pensera à McBride qui a fait une bonne saison, mais entachée par des blessures. Il y a des joueurs qui sont apparus par moment, qui ont disparu après, qui sont revenus. Voilà, des blessures qui ont touché à certains joueurs, mais pas tous. Mitchell Robinson, globalement, a fait une saison complète en dehors de ses back-to-back. Donc il y a eu des choses, il y a des éléments positifs tout de même. Et puis il y a des éléments qui ne nous rassurent pas, et même si le mode play-off permet peut-être de se reconcentrer sur certaines choses, d'avoir des séries contre des équipes et puis juste jouer d'une équipe à l'autre, c'est différent, c'est une autre compétition, on le sait, l'équipe a de l'expérience, on le sait aussi, mais on a eu des doutes et on voit aussi des questionnements sur l'usage offensif d'un Karl-Anthony Towns, c'est quand même le deuxième All-Star de l'équipe, et ça, est-ce qu'arriver en play-off, même si défensivement il fait des efforts, et on l'a salué et on le voit encore, est-ce qu'offensivement il aura l'impact qu'il avait l'année dernière? On n'en est pas certain. Donc oui, la pression va arriver au moment où ça va être le révélateur absolu de la saison des Knicks, ça va être les playoffs, et Mike Brown aussi va passer à ce révélateur-là. La pression va commencer à se ressentir. L'objectif, il avait été clairement affiché par le patron, le proprio, James Dolan, il a dit non, nous on met pas de bannière pour la Cup parce qu'on vise plus, on vise plus haut, on veut se qualifier en finale NBA. L'objectif il est là, il est pas en dessous quoi. Donc on verra ce qui se passe, mais la pression elle se fait ressentir et ces distractions de Stephen A. Smith qui nous dit ouais, c'est à cause de Mikal Bridges qu'on n'ira pas en finale, on verra, on n'en sait rien, vois, c'est pas encore joué. Regarde au niveau du rating, donc l'offensive rating. Cette année, on est à 119,6. Donc, on marque en moyenne 119. Pas mal de points. 119, ouais, pas mal. Troisième de NBA, 3 sur 30. 119. L'année dernière, on était à 118,5. On était quoi, cinquième, non? Cinquième. Ça ne change pas des masses. Il y a un point. Un lancer franc. Un lancer franc de Mikal, par exemple. Voilà. Oh, encore, il n'en en tire pas beaucoup. C'est pour ça non, que... un lancer franc de temps en temps qui rentre de Mitch. Voilà. Et voilà, il y a un peu de mieux ces derniers temps. Et au niveau du defensive rating, cette année, on est à 113,2. On est à 6e sur 30. D'accord. L'année dernière, on était à 114,3. D'accord. Un peu mieux. 2 points. Donc, un point. Et l'année dernière, on n'était pas dans le top 10. Et on était en top 10. 14 sur 30. Voilà. Donc, ouais. À ce niveau-là, on est revenu un peu mieux. Non, mais, non, mais d'accord, mais on ne parle pas non plus d'une révolution, quoi. C'est-à-dire qu'en en même temps, les joueurs sont les mêmes. Non, mais le defensive rating, si tu veux, où tu montes d'un point ou tu descends d'un point, tu prends 10 places ou tu perds 5 places, tu vois. Donc, enfin, il n'y a pas. Il n'y a pas non plus. Enfin, tu vois. Et au niveau de la pace, l'année dernière, donc c'est le nombre de possessions. C'est, l'année dernière, on était à 96,7, 26 sur 30. Et cette année, on est à. On est à 97,2, 24 sur 30. C'est pareil. Là où, en début de saison, enfin, c'était un peu l'objectif de jouer avec plus de possessions. Et... Donc, au final. Enfin, c'est pas... Quand il faudra faire le bilan de coach Mike Brown, et donc on l'a toujours dit, on le répète, ça sera aussi et surtout en playoff que ça va se faire, ce bilan. Mais en tout cas, la régulière, elle n'est pas meilleure que celle passée. Non. Non, elle n'est pas meilleure. Alors oui, un élément sur lequel il y a du mieux, c'est l'usage des joueurs. Il y a moins de minutes. On a pu 3-4 joueurs dans le top 10 des minutes. Ouais, ok. Super, mais est-ce que ça a fait plus gagner de matchs? Pour l'instant, non, on est sur le même temps de passage. Est-ce que ça a fait que les joueurs sont plus forts en défense, plus forts en attaque? C'est pas flagrant. Voilà, donc le coup d'après, si par mésaventure les Knicks ne vont pas atteindre l'objectif qu'ils se sont fixés, bah, ça sera sûrement de changer les joueurs si on n'arrive pas à, avec un nouveau bah, coach à en tirer. Je suis curieux de. On verra. On verra. De ça. Enfin, vraiment, je suis curieux déjà de voir. Parce que bon, les playoffs, une défaite de Philadelphie nous envoie en playoff. Donc, là, ils vont finir par perdre un match, ça va nous envoyer un play-off. Donc, les play-offs sont actés. Oui. Maintenant, ça va être de savoir qui tu vas affronter. Et je suis très curieux, vraiment très curieux, de voir le niveau. Parce que, moi, jeu, je veux bien cette théorie de « Non, non, mais les Knicks, vous allez voir en play-off. » La saison dernière, on a quand même vu aussi un déclic. L'équipe a haussé le ton défensivement en play-off. Après, est-ce que c'est pas de par la nature du jeu en play-off que le ton s'est élevé globalement? En play-off, moi, je veux bien, hein, mais... Moi, on me cite les play-offs de l'année dernière comme étant une référence. On n'a pas écrasé la concurrence. Hein. Non, On passe des 3 sur une décision arbitrale qui est quand même relativement tendancieuse. Et on s'est fait bouger par une équipe de Détroit comme jamais. On s'en sort, voilà. On prend 4-2. On va en 7. Je pense que c'est tu jettes la pièce, c'est pareil. Et on tape Boston. Boston, ok le premier match. Ensuite, on a Jason Tatum qui se fait le genou. Match suivant, une ruine à la maison. Mais c'était une réaction attendue aussi chez eux. Le match de désespoir, de toute façon, ils perdaient, ils étaient éliminés. Donc, ils ne voulaient pas mourir chez eux. Et sans Tatum. C'était un peu attendu. C'était un peu attendu qu'il y ait une défaite au TD Garden avant de revenir au Garden. En 4-2, ils avaient une équipe qui était fatiguée. Qui arrivait avec des blessures et machin. On n'a jamais dit qu'on avait dominé les playoffs l'année dernière. Il y a des contextes à mettre en place, si tu veux. Parce que moi, je veux bien en me disant oui, mais regardez, l'année dernière, on me dit que Boston, machin. Non, mais Boston n'était pas à 100%. On ne les tape pas à 100%. Oui, par contre, la régulière à Boston, ils étaient tranquilles. On a deux équipes qui étaient les Cavs et les Celtics qui ont roulé sur la concurrence et en l'occurrence à l'Est. On rappelle qu'on s'était fait archi-dominer sur les confrontations directes sur ces deux équipes-là. Et arrivé en play-off, c'était une autre histoire. Donc oui, des blessures, des fatigues, des joueurs qui étaient peut-être vieillissants, la personne de Jrue Holiday, la personne de Kristaps Porzingis qui ont souvent été blessés, c'était pas de la nouveauté. Et pour autant, ça n'a pas suffi. Ils avaient un prime GT et GB aussi, donc... On n'a pas volé non plus notre place, on a haussé notre niveau de jeu, on a réussi à avoir des éléments favorables en playoff, mais comme n'importe quelle équipe finalement, c'est rare que les équipes ultra dominent, on n'a pas des équipes qui sweep tout du long. Non, mais c'est pour voilà. ça que... Et c'était pas... Les Knicks étaient en outsider et ils ont bien joué ce jeu-là. Et à la fin, ça s'est pas passé contre une équipe qui était plus sûre d'elle, et à la fin, ça s'est pas passé contre une autre. Donc si tu veux, moi je veux bien tout ça. Et on n'a pas d'éléments qui nous font dire... Tout va bien se passer, on n'a pas de garantie. Et c'est pour ça que la théorie de « Non, mais les Knicks, vous allez voir, moi, je suis hyper confiant. » Moi, il n'y a rien qui me donne la confiance. Non, vous allez hyper voir, confiant, aujourd'hui, tu ne paries pas ta maison pour dire que ça va en finale, coup sûr. Je ne dis pas de toi. Avec certains avec qui j'ai discuté. Plus optimistes des fans ont des doutes. Là, actuellement, c'est quoi le classement? Actuellement, on est troisième. On va en parler sur la deuxième partie. Mais c'est juste, vu que là, on se projette vite fait sur les playoffs. Là, on est troisième, ça nous met qui? 1, 8, bah, 4, ça bouge 2, un peu souvent. Soit 7, c'est Atlanta, 3, 7. C'est Floridienne, ça nous en, ça, ça ou nous, les Raptors. Ça nous envoie contre Atlanta. On s'en sort bien. On verra, après cette régulière elle est pas finie et ça bouge encore beaucoup même mais sur les derniers spots de playoff. Tu peux choper Philadelphie avec Embiid et Paul George qui sont revenus et ça change complètement la donne. Ouais, et en même temps c'est pareil, aujourd'hui Philadelphie, même si c'est une équipe qui est pas à négliger parce qu'ils ont de l'expérience individuellement, voilà, on n'a pas de garantie du niveau qu'ils afficheront. Est-ce qu'il n'y aura pas encore des pépins physiques aussi? Parce que Embiid, c'est souvent fragile. Bon, c'est des choses... Aujourd'hui, c'est délicat de se dire... Enfin, c'est délicat. C'est même impossible de dire « Il n'y a pas de problème. On va en finale NBA. La route est toute tracée mais devant jamais, nous. » Mais jamais. On ne peut pas le dire. Et inversement, est-ce qu'on voit des équipes facilement prendre 4 victoires face aux Knicks? Ah, facilement, je ne sais pas. Mais prendre 4 victoires face aux Knicks. Donc ça sera disputé quoi qu'il arrive. Moi j'en vois. Ah, je sais pas. On aura l'occasion d'en reparler quand on verra en tout cas le calendrier et le bracket. J'ai du mal à me dire. Ah, mais on va avoir. Non, mais là, d'un coup, la défense, elle va step up du jour au lendemain. C'est-à-dire que là, actuellement, quand on a joué contre Charlotte, quand on a joué contre OKC, quand on a joué contre d'autres équipes avant, un pick and roll, ça ouvre le panier. Et là, d'un coup, tu vas me dire que là, du jour au lendemain, non, mais là, ça y est, défense élite, on arrête tout. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Non. C'est pas ce que j'ai dit. Non, c'est juste que c'est pas la même compétition, c'est pas le même jeu. On a aussi tendance à oublier que l'expérience, ça compte. Et oui, s'il y a des équipes qui font de très belles saisons régulières, il faut arriver à convertir la même chose, arriver en play-off. En ce moment, il y a de belles dynamiques du côté d'Atlanta, du côté de Charlotte. Ils se battent pour arracher des places en play-off et c'est tout à leur crédit. Voilà. Mais arriver en play-off, est-ce qu'ils arriveront à afficher le même niveau de jeu, arriveront à avoir le même résultat, les mêmes... On verra. C'est une autre compétition qui va démarrer. Les Knicks, je l'évoquais en disant qu'il y a ce côté, oui, on sait qu'on a réussi à faire de beaux parcours en playoff, même si ça n'a pas été jusqu'au bout. On a envie d'aller plus loin, on a envie d'aller jusqu'au bout. Est-ce qu'il n'y avait pas un côté, on néglige la régulière, on n'est pas assez concentré, on n'est pas assez focus, on n'est pas assez intensif? Oui, cette régulière, elle est irrégulière. Elle est insatisfaisante parce qu'on espérait une équipe qui... confirme son rang et même si elle n'est que troisième, bah on espérait mieux. Clairement, le bilan comptable il sera équivalent à celui de l'année dernière et celui de l'année dernière arrivé à la fin de la régulière, bah, on donnait pas cher de la peau des Knicks. Ça a été compliqué, mais ils ont été jusqu'en finale de conf alors qu'on attendait plus. Une fois avoir passé l'ogre vert de Boston, on s'était dit que c'est bon, ça devait être la saison pour. Il y avait un engouement et ça s'est pas fait. Là, ils ont eu cette décision la saison dernière. Sera charge à eux d'arriver à trouver les ingrédients et la façon de jouer pour assurer leur play-off. Et ça sera compliqué. Ils ne mettront pas des sweeps sur le premier tour, peu importe l'adversaire qu'ils vont rencontrer. Un 4-1, ça paraîtrait un très bon résultat, mais ça risque d'être des séries plus accrochées que ça. Ça sera des play-offs compliqués, hein, quoi qu'il arrive. Ils ne se feront pas sweeper. Je ne pense pas qu'ils se feront sweeper. Je ne vois pas non plus une élimination en 4-1. Mais ça risque d'être des play-offs, il va falloir aller les chercher avec les dents et montrer vraiment les tripes qu'il y a dans cette équipe. Est-ce que Mike Brown, c'est le coach qui est l'homme de la situation? Disons que en début de j'en saison, doute. Moi j'étais j'en en... doute. Ben, j'en doute. En début de saison, moi j'étais en mode non, machin, enfin, j'étais pour le changement. Il était opéré, fallait voir. Je me suis laissé embarquer dans le bateau Mike Brown en lui donnant du crédit, en disant non, mais voilà, ça peut, un machin, enfin tu. Mais en fait, au fur et à mesure que la saison continue, ben en fait, tu vois pas véritablement de montée en puissance de cette équipe. Et alors que justement, on a dit. Alors, on sort quand même d'une dynamique de 7 wins. Il y a eu des éléments qui rassurent en prenant les victoires qu'on devait prendre. Mais dans le fond de jeu. Non, mais vraiment. Dans le fond de jeu. La dynamique de 7 wins contre Washington, Brooklyn. C'est vraiment ça te hype. Ça, tu trouves que ça, c'était monté en puissance. Ou en fait, c'est les victoires qu'on doit prendre. Ou on galère à battre Brooklyn de 1 point. Ça, c'est monter en puissance. Ça, c'est waouh. Non, c'est pas. Me fais pas dire ce que j'ai pas dit. On a gagné les matchs qu'on devait prendre. Et on les a pris, et très bien. Et en bilan comptable, bah, c'est dedans. Et une dynamique de victoire, c'est toujours mieux qu'un match qu'on gagne, un match qu'on perd. Après, ça reste de la régulière. Et assez vite, assez vite, j'ai compris qu'on serait jamais une équipe dominante dans cette régulière. Donc, on est à notre place en étant troisième. On l'a pas volé. On a réussi à faire quelques séries de victoires, on a réussi à faire des séries de défaites aussi qui nous ont vite inquiétés. Les joueurs, au global, les rotations sont installées, on sait quels sont les joueurs qui vont être utilisés, à quel moment, chacun connaît son rôle, même si Kat, bah, d'un coup, un coup oui, un coup non. Et ça, c'est quand même l'élément qui m'inquiète le plus. Ouais. Arriver qu'à la fin de cette régulière, le second joueur majeur de ton équipe, il y a des matchs, il ne pèse pas offensivement. Défensivement, on le sait, et on ne s'attendait pas avec Mike Brown Youpi, ça allait être un joueur qui allait être un lockdown défensif, clairement pas. Mais offensivement, on a perdu de son impact, et c'est en ça où moi ça m'inquiète. Est-ce qu'on arrivera à retrouver son impact offensif en playoff ? Le dernier match me rassure pas. Me rassure pas par rapport à ça. Et c'est plus qu'embêtant, puisque c'est un joueur majeur du dispositif, et que Mikal Bridges, on l'a vu, bah non, c'est pas lui qu'on va attendre de nous faire gagner des matchs. au mieux, c'est un bon lieutenant. OG, il y a des coups de bon et il y a des coups de moins bien. Voilà, Josh Hart, ça reste le soldat qu'on sait, qu'on connaît. Un co-leader, un co-capitaine. C'est aussi une des voix du vestiaire et c'est important de pouvoir compter sur lui. Voilà, mais on en revient au même soldat qu'on avait la saison dernière. Est-ce qu'on ira aussi loin, plus loin ? Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Là, on va vite le savoir, on va vite le savoir parce que le plateau arrive. Il a été dit. Et cette régulière, il faut la finir pour la finir. Hier dans le match, il a été dit que, ben, en effet, il avait bien été, il avait bien été demandé à Karl Anthony Towns de se sacrifier pour le projet et pour la façon de jouer de Mike Brown. Mais bon, que, ouais, jeu qui doit apporter plus de pace, c'est ça. Le bilan, il a pas l'air de montrer que ce sacrifice, il soit bénéfique. Alors, Karl Anthony Towns, on peut en parler. Il fait un chantier au rebond en ce moment. Qu'est-ce qu'on peut lui reprocher au niveau de sa présence au rebond ? Rien. Il se bat pour des rebonds offensifs et il en fait des volumes assez importants digne d'un Mitchell Robinson. Donc sans ça, c'est très bien. On voit quelques moments, courtes séquences où on voit l'association des deux. Mais on a vite compris aussi que ça, c'est pas quelque chose qui allait être durable dans la saison. Et ça le sera peut-être pas non plus en playoff. Il y aura quelques passages. Il y aura la gestion des fautes aussi qui sera importante. Mais dans l'application offensive, et c'est en ça où Kat doit être utile, bah, il est souvent oublié. Parce qu'on shoot aussi beaucoup à 3 points, oh ouais. Toujours avec de super pourcentages. Même si en ce moment, Josh Hart, il s'est trouvé un shoot à 3 points. J'ai l'impression de revoir Boston de l'année dernière. Quoi. Qui vit et qui meurt sur son adresse extérieure. Ça shoot à tout va à 3 points. C'est, ça la méthode Mike Brown. Et ouais, mais tu vois, en fait, on n'arrive pas. Et en face, les équipes, elles vont chercher les points dans la raquette. Donc, en fait, nous, on a un Karl Anthony Towns qui peut aller dominer dans la raquette quand même. Et nous, on fait 0. Ben, forcément, 0, c'est toujours moins bien que 2. et donc, ben, c'est facile, hein, en fait. Hein. Tu prends ton 3 points, tu le rates. Derrière, les autres, ils vont chercher un point à l'intérieur. Et ainsi de suite. Et bon. C'est le jeu. C'est le jeu de Denix selon Mike Brown en 2026. C'est pas forcément celui que j'apprécie, hein, clairement, mais c'est celui qu'il nous propose. Et est-ce qu'avec ça, ça sera la bonne méthode pour aller loin en playoff ? Ben, on va vite le savoir. En tout cas, cette semaine, on avait 3 matchs au programme. On a fait les Pelicans. Alors, une équipe qui était dans une belle dynamique, hein, depuis l'arrivée, le retour du moins, de Dejounte Murray. Zion, qui fait une saison globalement complète. Ce qu'on n'avait pas vu de sa part depuis son arrivée en NBA. Alors, il n'y aura pas de playoff, ça c'est certain. Ouais. On a eu un match remporté par les Knicks, mais ça a été quand même assez disputé. Ça s'est décanté sur la fin de la rencontre. On a pu compter globalement sur un bon Jalen Brunson. Hein. 32 points sur cette rencontre-là en 39 minutes. Il aurait peut-être pu souffler un peu, mais bon. Autre cadre qui a été beaucoup utilisé, OG Anunoby, avec 21 points. 5 sur 13 à 3 points pour OG Anunoby. 13-3 points. Quand on dit qu'on shoot beaucoup à 3 points... Voilà, voilà, quoi. Les ailiers, gros shooter, gros volume. Mikal Bridges, 4 sur 10 à 3 points. 14 points à la fin de la rencontre en 37 minutes. Bon, il y a un petit peu de mieux, on va dire, cette passe. Plus agressif, un peu plus agressif. Karl Anthony Towns, bah, il a un volume de shoot qui est un peu en recul, mais il est quand même à 21 points et 14 rebonds en 24 minutes. Un temps de jeu qui est quand même plus petit, mais parce qu'il y avait un bon Mitchell Robinson. Hein. 11 points à 100% de réussite, 8 rebonds en 21 minutes. Voilà, ça a permis de dominer la raquette des Pelicans. Le banc a été plutôt intéressant sur cette rencontre avec également 10 points de Clarkson. Mmh. Clarkson, bah, qui est revenu durablement, hein, dans cette rotation. Oui, ça y est, ouais. Ouais. Voilà, le vétéran qui a un peu d'expérience, bah, faudra compter sur lui aussi en playoff. Ouais. Et en ça, la dynamique du retour de Clarkson, c'est un élément rassurant. Plutôt que des fois miser sur un Diawara qui aura peut-être ses défauts de jeunesse et ses arrivées en playoff. T'as bien vu hier. Hein. Hier, t'avais le retour de Deuce McBride. Diawara a disparu. Hein. C'était finito. Hein. Bon, face aux Pelicans, on pouvait espérer un match de José Alvarado. Bon, bah 9 minutes, 1 rebond, 1 passe, 1 perte de balle, 2 fautes. Bon, il y avait peut-être trop d'émotion pour José sur ce match-là. Et on s'en est remis à un gros, une grosse rotation à 8, voire à 7. Parce que voilà, Maudy Awa, c'était 11 minutes aussi. Une victoire qu'il a fallu aller chercher. C'était pas évident, mais qui s'est quand même. Voilà. Qui a permis de prolonger la série de victoires. Et on voit un peu plus de connexion avec Mitchell Robinson. Alors que ce soit du GB ou du Clarkson. Voilà, on le joue un peu plus dessus. Est-ce qu'il est en forme, ouais. Mitch? Non, non, mais carrément. Non, mais je pense que ça plus de alley-oop ces derniers temps, en tout cas. Ça, je trouve que par contre, sur ces dernières semaines. C'est quelque chose, en effet, tu fais bien de le souligner. On cherche clairement plus cette, en fait, cette alternance au niveau des points et de se dire, attends, on a ce type-là qu'on peut trouver en hauteur, qui a quand même une envergure. Allons le chercher. Et du coup, alors, Jalen Brunson, c'est pas son point fort, les passes en alley-oop. Hein, c'est pas... il se force un peu ces derniers temps, faut le reconnaître. Donc, les passes en alley-oop, c'est souvent de la merde. Mais c'est vrai qu'il essaye. Il essaye. C'était plus Alvarado ou Hart. Même Clarkson qui. Clarkson. Voilà, sent qu'il y a en tout cas quelque chose qui est en train de prendre qu'on n'avait pas vu sur tout le reste de la régulière. Alors, est-ce que c'est un épiphénomène, voilà, une hirondelle ne fait pas le plein temps? Est-ce que Mitch Robinson, c'est une hirondelle, un albatros? Je sais pas. Non, mais je pense pas. Je pense que justement, en fait, beaucoup d'équipes arrivent à trouver leur grand comme ça. Donc, il y avait que quelque part, il y avait un peu nous. Et c'est pas. Il est trop lourd, 4 pour être retrouvé en alley-oop. Là où Mitch est plus véloce, quoi, et plus élancé, plus athlétique. Donc, Et puis, s'il marque pas comme ça, il marque pas beaucoup, Mitch. Hein. Non, mais... autant compter sur sa contribution à ce niveau-là. Ah, et puis, ça met une pression sur la défense aussi, de reculer plutôt que d'être haute sur les joueurs du backcourt. Je trouve ça une bonne idée, c'était pas mal. Tu vois, il y a quelques petits éléments qui peuvent nous rassurer en se disant « Tiens, il se passe des choses ». Après, on a vu qu'à Charlotte, il s'est passé d'autres choses. Les Hornets, c'est une équipe qui est en forme en ce moment, malgré leur bilan. Ils sont à la lutte pour essayer de grappiller un spot en play-in, voire pourquoi pas même en play-off. Le bilan, on le verra tout à l'heure dans la conférence Est, est assez serré. Ils ont peut-être le rookie de l'année dans leur rang. Est-ce que c'est lui qui va hériter de ce trophée ou est-ce que c'est son ancien coéquipier de Duke et Cooper Flagg qui va l'avoir? J'en fais mon favori, lui. Hein. Oh là là. Disons qu'il y en a un qui a le bilan de l'équipe aussi qui joue en sa faveur. On parle de playoff, il n'y en aura sûrement pas, il n'y en aura même pas du tout en ce qui concerne les Mavs. Et puis on a un joueur qui sait dégainer, mais pas que. Il aura pour lui le titre de shooter rookie le plus prolifique sur son année rookie. Hein. Con Knuppel, double K. Knuppel, ouais. Mais au-delà de ça, il a terminé meilleur marqueur, de la rencontre qui nous a vu affronter les terribles Charlotte Hornets. Les Hornets qui sont sur une belle dynamique. Hein. Bon, ils ont perdu quelques matchs, ça arrive à tout le monde. Mais ils ont mené la vie dure aux Knicks. Dans un match où l'adresse seule a permis d'expliquer tout ça, non, le rebond, on a largement perdu cette bataille au rebond. Cette rencontre. Bouffé, ouais. Alors que Mitch, alors que Josh, alors que Kat, non, en fait, quand on va chercher le meilleur rebondeur de la rencontre, c'était Josh Hart avec 7 rebonds, 7 prises sur cette rencontre face à Charlotte. Mitchell Robinson, 26 minutes en sortie de banc, en prend 6, c'est déjà pas mal, mais Kat... que 3 rebonds. Qu'est-ce qu'il nous a fait, Kat? Ça allait pas, ce match-là? Il y avait 3 fautes, donc c'est pas un problème de faute qui peut le pénaliser, mais on n'a pas retrouvé le Kat qu'on doit avoir. Il termine la rencontre à 22 minutes de temps de jeu, 13 points, des pourcentages qui sont très bons, hein. 5 sur 8 au shoot, et 1 sur 1 à 3 points. À 3 points. Kat, il a été défendu agressivement, que ce soit par Diabaté, Kalkbrenner, ou Grant Williams. Et il n'aime pas ça. Il n'aime pas se faire agresser. Il n'aime pas ça. Ça, c'est... Est-ce qu'on l'a cherché suffisamment? C'est là où, peut-être qu'il y a quelqu'un qui doit se sacrifier dans le collectif pour que le collectif gagne. Bon, en réalité, on n'a pas gagné. Ce sacrifice, est-ce qu'il est... payant, bah pour le coup, hein, on a envie de dire que non. On a un bon OG Anunobi sur cette rencontre-là, hein, 6 sur 10 au shoot, 5 sur 9 à 3 points, c'est plutôt propre. 17 points en 39 minutes, bon, on n'a peut-être pas assez insisté sur lui. Bon, on a un Brunson qui n'était pas en réussite à 3 points, 0 sur 6, il termine avec 26 points, mais c'était un peu forcé. 13 passes, tout de même. Tout de même. Michael, 14 points, bon, ok, un Josh à 16. Sur le banc, peut-être un petit peu light. Là, les connexions pour trouver Mitchell Robinson, il y en a eu beaucoup moins, puisqu'il n'y a eu que 4 points de la part de Mitch, 8 points de la part de Jordan Clarkson, et 5 points de la part de Mo Diawara. Il y a tout de même deux autres joueurs du banc qui ont joué, un petit peu d'Alvarado, 5 minutes, j'étais à 5 minutes, et Tyler Colec. Tiens, bah oui, faisons le jouer, ça faisait longtemps. Puis comme ouais. Alvarado était pas bon, bah non, vas-y, mais... appelle-moi bon, le non, petit blanc le... qui est au bout du banc là avec sa mèche là. Non mais le truc, ouais non mais j'ai, je voulais voir. C'est son anniversaire. Je voulais voir ce qu'il pouvait apporter. C'était son anniversaire, c'est juste ça. Je vois pas d'autre explication. Effectivement, moi, Alvarado était pas bon. Non mais Alvarado, ça fait un moment que maintenant il est quand même pas très bon. Moi, moi, c'est pareil, je veux bien GTA, attention, la défense. Bon, il se fait trouer comme il faut, comme les autres. La Melo Ball avait l'avantage sur lui. Enfin, oui, voilà, bon, on n'a pas trouvé joueurs, son impact. Beaucoup de joueurs ont l'avantage sur lui. Et offensivement, c'est pas non plus... C'est pas un incroyable. Shooter, donc, moi, je me dis... On a fait le débat l'année dernière sur Tyler Colec, on va pas le refaire. Mais ouais, non, Jordan et José Alvarado. Si on était sur notre fin pour Mikal Bridges, moi, José Alvarado, je suis même pas sur ma fin. je range mon os. Yeah. Bon, c'est pas le même prix de trade. Est-ce que Stephen non, Smith va conspuer Jalen Brunson comme étant responsable de la venue de José Alvarado? On verra. Mais effectivement, des flashs, mais très très raccourcis, José. Voilà, donc une défaite contre les Hornets. Bon, ça faisait tâche pour démarrer le road trip. Ça mettait un fin à une série de victoires. Les Hornets étaient sur 4 victoires consécutives. Nous, on en était sur 7. Bon, bah, voilà. Fin de l'histoire. Il y a eu un Bridges qui a été bon en face. Il y a eu un Ball qui a été bon en face. Il y a eu un Knuppel qui a été bon en face. Il y a eu un Diabaté qui a été bon en face. Bah, ils étaient tous bons en face. Alors, est-ce qu'ils avaient ciblé les Knicks en particulier? Est-ce qu'ils sont morts de faim parce qu'ils veulent vraiment aller en playoff? Je suis pas sûr que la Melo Ball ait disputé de la post-season pour l'instant, voire même peut-être pas du tout de play-in. Non, les Hornets, peut-être ça fait un moment. Hein. Bah, peut-être un play-in, une année. L'année, tu sais, où... C'est souvent les Bulls, c'est souvent les Hawks, c'est souvent le Heat. Non, mais tu sais, l'année où tu as Miles Bridges... qui fait une saison de fou, qui est en renégociation de contrat, mais avant mais il fait de la merde à l'été là avec les violences conjugales. Du coup, il est suspendu. Mais je me demande si sur cette année-là, d'ailleurs, il n'est pas MIP, Mike Bridges cette année. Il est possiblement MIP, mais bon. Je me demande, je vais checker. Mais pour vérifier ça, mais je suis pas persuadé qu'ils aient fait au moins un tour de play-in. Mais on va le vérifier. En tout cas, voilà, les Hornets, avec leur maillot dégradé de orange et jaune, nous ont mis la fessée. Une défaite assez large. Assez large. Il y a 11 points de retard. Mais les Knicks n'ont jamais vraiment été dans la rencontre à un point où on s'est dit c'est bon. New York va prendre l'ascendance sur les Hornets. Les Hornets avaient toujours le répondant. Et on s'est fait dominer au rebond. Et on sait quelle est l'importance du rebond dans les secondes chances, parce qu'on n'a pas non plus forcément tout le temps des shooters en réussite, et que ça a été compliqué sur cette rencontre. Ouais, mais normalement, c'est notre point fort, les rebonds, quoi. Ouais, mais ça n'a pas été le cas. Moussa Diabaté, c'est un joueur valeureux, et on espère le revoir en équipe de France un jour pour apporter aussi cette énergie et cet impact à l'intérieur. Kobe White, c'est ça, hein, la recrue de la trade deadline qui a fait des misères aux Knicks. Ils en faisaient déjà à l'époque des Bulls, mais là en sortie de banc, ils se sont retrouvés quand même avec un petit step-up par rapport à Colin Sexton qui nous a fait. Melo a bien fait le play-in, c'est bien cette année-là, en 2022, le 13 avril 2022, et ils se font dégonder par Atlanta 103-132. Et dans l'équipe, il y avait donc LaMelo Ball, PG Washington, Terry Rozier, Miles Bridges, tu vois, je t'avais dit Miles Bridges, et Mason Plumlee. Voilà. Et il n'y a pas encore Brandon Miller, c'est à l'issue de ça qu'il récupère Brandon Miller en draft, non? C'est la saison d'après? Je pense que c'est la saison d'après parce que là, pour moi, ils étaient peut-être trop hauts. Bah attends, et tu sais quoi, regarde, je peux te le dire tout de suite. La saison d'après, en effet, ils font 82 matchs. Et du coup, leur roster. Ouais, non, mais parce que là, c'était marqué 83. Si tu veux, c'est pas noté comme sur Basketball Référence, c'est pas noté, tu sais, des fois sur les fiches des équipes, t'as marqué sortie au play-off. Tu vois. Ah oui, d'accord. Et okay, ils ont compté les matchs de play-off. Et en fait, le play-in, c'est pas marqué dans le truc. Il faut descendre et regarder dans le calendrier. Donc, t'as marqué 83. Voilà. Match bonus. Et alors, attends. Les Knicks vont jouer 83 matchs cette saison si on tient compte de la finale de la Cup remportée à Vegas. Non, c'est la saison d'après, puisque la saison d'après, ils font 27-55. Et donc, ils sont très mauvais. Et donc, ils font pas. Ils font pas le rookie. Et le rookie, il le récupère sur la saison suivante. Ok. Bon, c'est les histoires des Hornets. Ça nous intéresse au final un petit peu moins. Ce qui nous intéresse, c'était aussi de savoir comment les Knicks allaient rebondir. Il y a déjà eu des défaites cette saison, des défaites un peu embarrassantes. Perdre face aux Hornets, c'est un petit peu gênant d'un point de vue classement. Ça casse la dynamique. C'était aussi une équipe qui était en forme après avoir affronté des équipes qui étaient peut-être plus jouables pour les Knicks, au détail des Pelicans. Ok, ici, le match aller avait été relativement serré. Ça s'était terminé par une défaite de 3 points à l'issue du temps réglementaire. Un match qui avait été disputé et qui avait été discuté en termes d'arbitrage. Bon, là, il y aura encore matière peut-être à discuter l'arbitrage. On a parlé de la technique prise par Mike Brown, mais on peut parler aussi d'un écart assez important en nombre de lancers francs entre les deux équipes. Ceci dit, New York au lancer franc, il faut les mettre, c'est pas le tout d'avoir à en tirer. Et même si New York s'est plutôt bien battu, hein, on n'a pas été dominé, c'est pas un blowout. L'écart en fin de rencontre est de. Combien de points? Blop, je suis perdu. Est de 11 points. Il s'est plutôt dessiné sur la fin de la rencontre, à la fin du quatrième quart-temps. New York a toujours été derrière, a réussi à recoller, a réussi à légèrement passer devant. Tu craques, mais derrière, c'est compliqué. Ouais, à 4 minutes de la fin, t'es encore en course, quoi. 4 minutes de la fin, t'es encore en course et t'es à un point derrière à la mi-temps. Tu fais un troisième quart qui est pas ouf, mais tu restes quand même encore dans le rétroviseur. T'arrives à recoller, t'arrives à être là dans le quatrième quart-temps et puis tu prends un éclat parce que on n'arrive plus à marquer un pélo et en face ça rentre et puis c'est OK si à la maison et voilà, et donc tu le perds le match, hein, Donc les Knicks se sont bien battus, mais ils ont perdu. Est-ce que c'est une défaite sur laquelle ils doivent rougir? Pas forcément. Est-ce que c'est une défaite inquiétante pour la suite? Ça montre encore, entre guillemets, le chemin à parcourir pour rivaliser avec les deux meilleurs, fois c'est les champions en titre. Deux fois qu'on marque 100 points contre eux. Tout rond. Ouais. Le match aller, 100 points. Le match retour, 100 points. Si on veut les battre, il faut les tenir sous les 100 points. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et c'est quand même plus compliqué à faire qu'à dire. Oui, parce que en face, c'était à un moment donné, c'était... Ils étaient au complet. Ils étaient au complet, en plus. Jalen Williams, là, l'action où il part... Où il part en deuxième mi-temps et il traverse tout droit. Tout le au monde début essaie, du troisième quart. Tout le monde essaie de l'arrêter. Ça m'a fait penser à Jonah Lomu à la Coupe du Monde. Alors attends, c'était la Coupe du Monde de rugby. 96, 18 Non, 99. 99. Où, 90. Quand il part sur l'aile gauche et que t'avais tous les Français qui étaient sur lui et qui les traînaient, là ça faisait pareil quoi. Quand il dans une autre discipline, un autre sport, mais en tout cas on sent la puissance du garçon. Ouais. Et même s'il est de retour depuis quelques matchs, il a quelques belles sensations et il nous a mené la vie dure aussi. Voilà. Bon match, 22 points, 7 sur 11 au shoot. On a une belle équipe d'OKC. On peut parler de Lugens Dort, qui est plutôt rude comme joueur, on le savait. Ça n'a pas plu à Miles McBride. Deuce qui était de retour. Alors, il y avait des rumeurs, il revient pas. Revenir contre le champion en titre chez eux, il y avait peut-être plus facile comme première opposition, comme match de reprise. Et manque de bol, Deuce, aussi vaillant soit-il, bah, ça a cogné. Ça a cogné avec Lugansdort. Alors, on a pensé au début avoir une nouvelle blessure aux épaules, parce qu'il a été opéré du haut du corps, sans non plus avoir tous les détails de son intervention. Non, semble-t-il, c'est au niveau de l'aine, au niveau des adducteurs qu'il a été touché. À voir cette blessure, combien de temps il va la tenir de nouveau écarté des parquets. Voilà, c'est compliqué pour Deuce, c'est un élément important et un élément qui compte dans le dispositif de Mike Brown, puisqu'on l'a vu, c'était un des premiers joueurs à sortir du banc dès qu'il a fallu faire appel à des remplaçants. Et puis surtout, ce qui fait peur, tu vois, c'est que quand il est sur le banc, il déclare, ça a été de lui, tu sais, sur ses lèvres. J'arrive plus à marcher, ouais. J'arrive pas à marcher. Et j'étais en train d'essayer de te chercher le tweet de Yann Begley, justement, terme exact de la blessure. Qui en parle. Et donc, tac. Et donc, voilà, donc il dit, Miles McBride donc, joue son premier match depuis son opération de la hernie, donc à la mi-février. NBC rapporte que McBride est incertain pour revenir, alors il ne reviendra pas, et qu'il est en cours d'évaluation. L'opération de hernie donc, répare les tendons endommagés, déchirés, donc qui s'attache au pelvis, donc c'est au niveau de l'aine, hein. Et dans certains cas, les tendons qui relient les muscles de la cuisse aux adducteurs sont étirés et déchirés. Les Knicks espèrent probablement que ce ne soit pas une blessure, encore une fois, dans la même zone. On va croiser les doigts pour Deuce. Et il se tenait l'aine quand il est sorti. Ouais, c'était pas rassurant. Moi, j'avais en tête que c'était le haut du corps, mais bon, autant pour moi, je n'ai pas tout suivi le dossier médical de McBride. Mais en tout cas, voilà, ça n'a pas permis un bon retour. 11 minutes pour lui, bon, 0 sur 3, les stats, c'est anecdotique. Alvarado, parlons-en. Bon, il a été utilisé 8 points, 3 sur 10 en sortie de banc. Peut-être le banc qui a pêché. Encore une fois, même si les cadres ont aussi pêché, à l'exception de Jalen Brunson. Brunson qui fait son match, qui à un moment donné va enchaîner les paniers pour aussi tenir l'équipe à flot. Mais derrière, 15 points de Mikal, 15 points de Josh, 15 points de Towns, 10 seulement de OG. Et on l'a dit, on l'a déjà répété, quand OG est en forme, quand OG est aux alentours de 15, 18, 20 points, c'est souvent signe de victoire. Bah là, c'était quand même du en retrait. 2 sur 7 au shoot à 3 points. C'est bien OG, mais tu peux apporter autre chose que du shoot à 3 points. Tu sais le faire. Et surtout que là, dans ce match, il y a zéro rebond. Donc, on a, je sais pas, c'est un peu anormal par rapport à la production cette saison d'OG. Au contraire, non, mais il est plutôt présent en rebond. Tout ça sera réglé dans quelques semaines. Il va se mettre en mode playoff. Et tout va changer. Écoute, de toute façon, gagner contre OKC, ça aurait été une victoire de prestige. Ça aurait été très bien pour le bilan. On s'en fout de gagner contre OKC. C'est pas là qu'on cherche. Nous, on veut gagner. Nous, on veut gagner, voilà, on veut gagner contre Atlanta, on veut gagner contre… peut-être, on verra. Carl Anthony Towns, au rayon, comment est-ce qu'il est utilisé? Est-ce que ses sacrifices, ça rapporte? Écoute, c'est 15 points, mais 18 rebonds. Il y a plus de rebonds que de points chez Cat. Il s'est réveillé dans un, et il s'est réveillé un shoot à 3 points. Et il s'est réveillé sur la fin, en plus. Ouais, dans le quatrième, ouais. Je ne comprends pas. Moi, c'était un truc, c'est ça me. Et un coup, ça va être bien pendant 2-3 matchs, et après, il est en retrait. Je comprends. Après, il a raté des paniers faciles. Hein. Des fois, oui, là, mais… les rebonds qu'il prend, qu'il essaie de shooter, là. Il a grippé, il y a du monde, il va shooter des lancers, mais bon, il joue à l'intérieur, il essaie de jouer proche du cercle. Il shoot, c'est le joueur du 5 majeur qui shoot le moins à 3 points. Alors qu'on est sur un joueur qui a des bons pourcentages en plus. C'est un peu fou. Bref. Josh Hart, par contre, lui qui a été bon à 3 points, en ce moment, je sais pas ce qu'il a, mais il nous fait un 5 sur 7. Ça lui soigne sa ligne de stats. Mikal, 2 sur 5, et voilà. Bon, une défaite attendue. On l'avait pronostiqué tous les deux. On s'attendait pas à voir non plus les Knicks renverser OKC chez eux. OKC qui est plutôt en forme. OKC qui est au complet. Est-ce que c'est une défaite inquiétante? Est-ce que c'est une défaite rassurante? Ou c'est une défaite tout court? C'est une défaite. Par rapport aux deux défaites, entre la défaite Charlotte et la défaite d'OKC, il y en a une qui passe peut-être. Évidemment, mieux que l'autre, oui, elle est mieux celle-là, évidemment. Elle, tu restes au contact pendant tout le match. Après, c'était pas un grand match. Hein. Il y avait de la maladresse. C'est lâché, quoi. Mais. Il y avait de la maladresse de part et d'autre. C'était pas fou comme match. Mais il avait au moins le mérite que les Knicks étaient toujours là, étaient toujours dans le sillage. Moi, quand ça, pas... c'est mieux que sous l'ère Thibodeau. Quand j'ai regardé le match, j'étais parti du principe qu'on allait le perdre. Bon, on l'a perdu. Mais je m'attendais à ce qu'on se fasse défoncer et je me suis dit, regarde, on reste là. Et si. Et bon, il y a eu les si, et puis à la fin, quand tu vois que t'es à moins 4, moins 6, moins 8, moins 11, tu dis, bon, ok, il reste combien de temps? Non, on n'y arrivera plus. Bon, c'est fini. Et donc voilà. Donc oui, c'est mieux dans la façon de jouer, mais tu perds. Tu perds contre un gros. A win is a win, a lose is a lose. Si ça marche dans un sens, si on arrive à se gargariser de un point contre les Nets, en mode si tu veux, tu perds contre OKC, t'as pas à dire non, mais attends, parce qu'en fait, si tu veux cette défaite, si on analyse, non, tu le fais pas sur un. Au bilan comptable, c'est une défaite. Tu fais pas sur une victoire de 1 point contre les Nets. Pourquoi d'un coup tu vas relativiser cette défaite? Cette défaite, c'est une défaite. T'as perdu. Alors, est-ce que Shai, ça va être le back-to-back MVP? Ah. Je sais pas. Il a des arguments comme. Je pense que le duel désormais, là on est rentré sur la dernière ligne droite, c'est entre lui et Wembanyama. Victor, ouais. Ouais, je vois pas. Il fut un temps peut-être que Cade avait des choses à dire, mais il est blessé donc il a disparu de la course. Et puis il y a la règle des 65 matchs. Il y a la règle des 65 matchs donc il ne pourra pas. Là, il pourra pas. Jokic, bilan est un peu en retrait, ouais. Il a pas marqué la saison dans les esprits. Exactement. Et puis il y a une certaine forme de lassitude entre guillemets de le voir produire ce triple double. Voilà. Des éclats de Shai et de Wemby. Doncic ces derniers temps. Doncic étonnamment personne n'en parle. Alors qu'ils sont sur une super dynamique les Lakers. Tu t'attends à 60 points aussi. Bon voilà, il y a quelques faits d'armes de la part des Lakers. Mais personne n'en parle. On a bien vu quand même que la course est entre lui et Wembanyama. Au dernier MVP leader d'ailleurs au classement, c'était Wembanyama qui était devant. Est-ce qu'il sera back to back? C'est possible. Ça fait longtemps que c'est pas arrivé. Le dernier, c'était qui? Steph Curry? Back-to-back... Je sais plus. MVP? Back-to-back MVP? Jokic, peut-être? Ah, ouais, je pense. On va vérifier ça, en tout cas. Attends, on va vérifier ça. C'est pas si souvent, c'est pas si commun. En tout cas, effectivement, OKC a le meilleur bilan de l'Ouest, de la Ligue, et ils sont champions en titre. Il y a eu des blessures qui ont tenu un peu Shai... écarté à un moment donné, l'équipe a continué de gagner, ce qui a été le cas aussi quand Victor était sur la touche. Bon, à voir. Peut-être qu'il y aura un DPOY pour Victor et un MVP pour Shai. Ça permettra d'équilibrer les choses. Jokic, lui, il fait un tripit, lui. 21, 22, 23. Non, pas tripit, pardon. Il fait un back-to-back 21-22 et après le 24. Et le 23, c'est Embiid. Ouais, donc le 23 c'est un vide et ensuite c'est Shai. Donc le dernier c'est Jokic. Ok, maintenant vous savez. Alors, parlons de MVP à nous. C'est qui notre MVP de la semaine? Et Steph Curry, t'avais raison. 2015-2016. Ah, ouais. C'est pas si souvent en tout cas. MVP, notre MVP à nous, notre joueur de la semaine. Bon, une semaine avec un bilan négatif, hein. Une victoire, deux défaites. Je raconte pas. C'est toujours délicat de sortir un joueur dans une dynamique et un bilan négatif. Dans ce cas-là, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on s'en remet aux valeurs sûres. Et la valeur sûre cette semaine, c'est Jalen Brunson. Bien sûr. Bon an, mal an, lui, il a tenu son rang. Les pourcentages sont peut-être des fois discutables, mais il a répondu présent. Il apporte le volume de points qu'on attend de lui soir après soir. 32 points dans la victoire face aux Pelicans. Que 26 points en 40 minutes dans la défaite face aux... Maîtresse passe. Il a essayé d'impliquer ses coéquipiers. qui lui ont rendu, puisqu'ils ont marqué quelques points quand même. Pas suffisamment pour gagner. Et puis cette nuit, bah, dans son duel à distance, voire des fois en bugne à bugne, comme diraient certains, face à SGA, 25 points quand même, avec un beau 4 sur 7 à 3 points, 5 passes, 5 rebonds. Bon, 4 pertes de balles, on les oubliera. Il y a de la défense, forcément. Et en tout cas, on a quand même aimé de voir que JB portait son équipe quand il fallait garder l'équipe au contact, à flot. Et en ça, bah, cette semaine, 3 matchs à plus de 25 points de moyenne. Hein. On est à, je sais pas combien, 25, 26 et 32. Je vous laisserai faire le calcul. Bah, ça méritait bien notre joueur de la semaine. Si JB est en forme avant les playoffs, eh ben, écoute, ça peut être un élément qui nous rassure. Vaut mieux ça qu'avoir son leader numéro 1 qui souffle le chaud et le froid. Par contre, les lieutenants, il va falloir se mettre au diapason, hein, s'il vous plaît. Merci, messieurs. Hein. D'accord ? On ne dit pas ça à la Stephen A. Smith, mais JB ne pourra pas tout faire tout seul. Il va avoir besoin d'un peu de coup de main. Offensivement, il va avoir besoin de coup de main. Défensivement, on le sait aussi. Donc voilà, ça, le message, il est passé et on verra la semaine prochaine qui on nomme joueur de la semaine. Mais si c'est un joueur cadre qui a step up, ça nous ferait plaisir. Hein, voilà. Moi, j'aimerais bien. Mickaël, moi, j'aimerais bien un joueur du banc. Tu vois, j'aimerais bien qu'à un moment donné, le banc se réveille. Pour moi, on a un banc qui irrégulier, mais en même temps. Et qui produit. Est-ce que c'est une surprise? Et qui produit pas assez de. Ben, t'es allé chercher Clarkson pour ça. Ouais, mais alors, il y a des soirs, il va nous faire du 8-10 points. Et puis, le soir d'après, il va nous en passer à côté, quoi. Clarkson, c'est un mec qui devrait t'amener sa dizaine de points par match. Bon. Il est à 10 points dans la victoire face aux Pels. Bon, facile, on a gagné les Pels. 8 dans la défaite face aux Hornets. On est à peu près dans les standards qu'on attend. Par contre, c'est vrai que cette nuit, on n'est que à 2 points. Et c'est là où, effectivement, sur les matchs où il y aura de l'opposition, on attend à avoir un peu de variété offensive. Bon, bah, il est passé à côté et sur ce match-là. C'est du Clarkson. Voilà, on aura. Je pense pas qu'on aura une régularité de sa part. Et si c'est pas lui, ça doit être quelqu'un d'autre. Et là, bah, Juice, ça n'a pas été suffisant pour durer. Chamette, on verra quand il y aura un retour de Chamette aussi. Juice, il est dégoûté parce que en plus c'était son année de revalorisation de contrat. Et là, t'imagines, là, il connaît Pépin physique. Peut-être que là, sa saison, elle est finie, tu vois, à McBride. Et pas, on va suivre ça en tout cas, mais ça pourrait Mais tu vois, le mec, c'est pour être une très... Heureusement, d'une certaine façon, qu'on a d'autres joueurs sur le profil qui peuvent apporter. L'absence de Chamette aussi, en ce moment, on en parle peu parce que voilà, il y en a d'autres qui se montrent à sa place. Mais il a été important pendant une longue partie de la saison. Il était un petit peu moins en forme avant de se blesser, à voir son retour. Mais lui a cette capacité à apporter du scoring. Aussi en sortie de banc, ouais, mais surtout en sortie de banc. Chamette, il n'a pas son contrat déjà. On l'a signé tout à la fin, donc. Ouais, mais non, moi, si tu veux, moi, c'est surtout que McBride, c'est le mec drafté, c'est le mec qui est monté par les, enfin, je veux dire, qui a attendu son tour, qui est monté, qui a progressé, qui. Peut-être de le re-signer à moins cher. Mais je suis d'accord, mais c'est cynique, tu vois, de dire ça. Malheureusement, c'est la réalité du sport. Il y a des joueurs qui ont été payés cher qui se sont blessés. Mais peut-être que oui, peut-être que dans son malheur, ça va faire le bonheur des Knicks qui vont se dire, attends, mon petit Juice, t'as vu quand même. On t'aime bien, on veut pas te perdre. Non, on peut pas. Mais c'est 10 millions. Quoi. Non, on peut pas te re-signer au prix que tu demandes parce que, ben, en même temps, regarde, t'as raté toute la saison, machin. Et puis qui va te faire confiance alors qu'ici tu connais. Non, mais c'est vrai, mais c'est triste à dire. Et comme tu dis, c'est cynique, mais c'est la c'est réalité. C'est le business de l'NBA. Mais pour lui, ça tombe tellement mal. Bon, ça, c'était cette semaine. Maintenant, on va falloir regarder ce qui se présente. Est-ce que Juice va revenir? On n'en sait rien. Mais en tout cas, les Knicks, ils vont revenir, ça, c'est sûr. Allez, on regarde le programme de cette semaine. C'est fini pour lui. Ah, la pauvre Juice. Nom de Juice. Je pense que c'est fin de saison. Personnellement, je pense que c'est fin de saison. Je pense qu'il reviendra pas. Ça respire pas la confiance de se re-blesser après. Ouais, surtout en plus quand il dit sur le banc, je peux plus marcher tout ça en se tenant l'aine et tout. Enfin. Et avec les antécédents qu'il a été dit et tout, Est-ce que c'est un retour précipité? On ne sait pas. Revenir contre Casey, mais il aurait pu se blesser sur un autre match. Ouais, mais puis en plus, c'est une blessure à la con. Il se jette sur un ballon pour récupérer. C'est même pas, on lui tombe dessus. Il tombe sur le dos de quelqu'un. C'est une blessure, oui. C'est une blessure qu'il aurait pu contracter. Sur un lancer, sur un drive, sur n'importe quoi en fait. Donc moi c'est surtout en fait la façon dont il se tient, ce qu'il dit là et le sentiment qu'il a après quoi. C'est ça moi qui me. Bon en tout cas si vous avez une haine en rechange, peut-être essayez de lui envoyer. Bon regardons un petit peu où en sont ces Knicks dans cette conférence Est. De semaine en semaine, ça bouge pas. On est troisième. Et ça risque de pas bouger, cette histoire. Ouais. Les Pistons, 54-20. Je crois qu'on peut dire au revoir à la troisième place, désormais. Au revoir. Non, enfin, à autre chose que la troisième place, oui. Alors, deuxième place, pardon. Je crois qu'on peut dire au revoir à la deuxième place. Hein, c'est ce que je veux dire. Oui, puisque derrière, on a les Boston Celtics avec 50-24. 48-27 pour les Knicks. Alors, ils s'affronteront une fois encore sur la fin de la régulière, mais Boston ne marque pas spécialement le pas. C'est quoi leur Tatum. Qu'est-ce qu'ils ont à affronter? Qu'est-ce qu'ils ont alors sur les prochains matchs Boston? Boston sur les prochains matchs. Ils ont Atlanta à jouer encore. Atlanta, Miami, Milwaukee, Toronto, Charlotte, New York, la Nouvelle-Orléans et Orlando. Donc quand même ils ont des équipes. Alors, hormis Milwaukee et la Nouvelle-Orléans qui n'attendent plus rien. Mais tout le monde a des choses à jouer. Atlanta pour sécuriser leur place en play-off. Miami, le play-in, il faut quand même à un moment donné essayer de remonter au classement. Toronto, la même chose, il faut sécuriser la place en play-off parce que tu as Charlotte qui joue derrière, eux vont arriver au taquet. Tu as Philadelphie qui n'est pas loin non plus, donc Toronto, il va falloir qu'ils relâchent. Et les Knicks qui sont là, et tu finis par, Orlando. Donc, s'ils peuvent terminer à la même place que l'année dernière et s'assurer une sorte de match 7 au second tour avec un avantage du terrain, ils ont tout intérêt à essayer de conserver cette seconde place. Donc non, il y a peu de... c'est peu probable de les voir mollir et s'écrouler et enchaîner les défaites sur la fin de la régulière. Ils n'en jouent qu'une seule équipe de l'Ouest, c'est les Pelicans. Et après, par contre, ils affrontent toutes les équipes mid. Ils affrontent toutes les équipes mid de l'Est. Ouais, donc ça va se jouer jusqu'au bout, cette régulière. Et en ça, c'est intéressant. Et en ça aussi, le play-in, on le dit et le répète, c'est quelque chose qui porte ses fruits. Quoi. Et Cleveland, tu vois, donc, qui nous... Alors, Cleveland, quatrième, qui est juste au coude à coude des Knicks, avec une défaite de plus, mais deux victoires en moins. Leur calendrier, ils jouent Utah. Là, ils sont sur trois matchs à l'extérieur. Ils jouent Utah, ils jouent les Lakers et ils jouent Golden State. Donc je pense qu'ils en prennent minimum 2 sur 3. Utah et les Warriors, je pense que c'est pris. Après, ils jouent Indiana. Attention, Indiana. C'est... Bon, là, je pense quand même qu'ils vont chercher à perdre, mais bon, on ne sait pas. Memphis. Donc Indiana-Memphis. Un malentendu, ils pourraient gagner. Indiana-Memphis, ça c'est vraiment bottom quand même. Et après, ils ont une double confrontation contre Atlanta. Une à la maison, une à l'extérieur. Et Atlanta, aujourd'hui, ils occupent la sixième place. Et qualification directe pour les playoffs. Et ils finissent Washington. Juste derrière les Raptors, mais ça se joue à rien. Il y a une défaite de plus. Un match d'avance de jouer pour Atlanta. Atlanta, ils vont jouer jusqu'au bout. Et... Philadelphie, 41-33. Les équipes floridiennes, un petit peu en retrait, 39-35 et 39-36. Pour le Heat, le Magic et le Heat. Et 39-36, c'est le même bilan que les Charlotte Hornets. Donc tout ça va se jouer jusqu'au bout. La photo finish risque d'être encore de bouger. Les Hornets, deux victoires, je veux dire. Ça on peut a peut-être le top 4 qui est loqué. Oui. Parce que certains pensaient voir Détroit lâcher des matchs, ce qui aurait pu arriver avec l'absence de leur leader Kate Cunningham sur la touche. Pas de retour annoncé non plus. Donc à voir quand le retour à la compétition se fera. Est-ce que ça sera en play-off? Est-ce que ça sera plus tard? Est-ce que ce sera juste avant les play-offs? Affaire à suivre. Mais en tout cas, ils gardent leur place numéro 1. Il y aura des belles confrontations qui les attendent aussi. Mais voilà, ce top 4, il bouge plus depuis un petit moment. Mais derrière, ça bouge de partout. On parle pas des access sites pour la loterie. Ça, là-dessus, ça, c'est à peu près le même classement de ce match. Ça y est, les 10, en fait, on les connaît. Ça a été officialisé cette semaine. Milwaukee est définitivement hors cours. Oui, ils ont leur petite bulle d'éliminés pour la post-season. Chicago Nets, donc, Wizards Pacers, c'est fini pour eux. Terminé. De l'autre côté du pays, de l'autre côté du Mississippi, OKC, toujours numéro 1, avec son bilan de 59-16, et les Knicks n'ont pas permis de le faire baisser, ce bilan. 56-18, les champions de la division du Texas, les San Antonio Spurs, peut-être avec un MVP dans ses rangs, à voir. Sera-t-il canadien, sera-t-il français? Dernier MVP des Spurs, eh bien justement, Tim Duncan, 99. Double MVP, Tim Duncan, lui aussi, il avait fait le... En quelle année? 99, il est MVP l'année où ils sont champions, non? Il fait l'année après, 2001-2002 et 2002-2003. 2002-2003, ils sont champions en plus. Il fait le doublé. Il fait le doublé. Fameuse année impair. Ouais, il fait le doublé MVP des finales MVP. Alors, de MVP, il n'y en aura peut-être pas dans les rangs des Lakers. 48-26, une belle troisième place. Mais c'est quand même disputé dans cette conférence Ouest également. 48-28 pour les Denver Nuggets en quatrième position. Cinquième, 45-29 pardon, pour les Minnesota Timberwolves. Houston, qui ont des petits problèmes, mais ils sont descendus. Ils sont que sixième, mais avec le même bilan que les Wolves. On va les jouer dans pas longtemps, ça va être intéressant à voir. Phoenix, qui semble être ancré à cette 7e place, 41-33. 39-36, 8e, le dernier qualifié, oui, non, parce qu'en fait, le play-in, c'est jusqu'à 10. Il y a une chance d'être un play-in. Il y a deux chances de se qualifier pour les play-offs, c'est pour l'instant les Clippers. Les Portland Trail Blazers, on n'entend plus trop parler, mais ils sont toujours bien placés dans le play-in en 9e position. Les Warriors... Ils vont peut-être pas précipiter le retour de Curry, mais est-ce qu'il y aura réellement un retour de Curry? 36-39, ça va être 10e place. Voilà, il va falloir bien manœuvrer en play-in s'ils veulent aller poursuivre la saison en post-season. C'est pas gagné. Bah, l'Ouest, derrière, Grizzlies, Pelicans, Mavs, Jazz et Kings, c'est déjà éliminé. Ça va jouer la loterie. Il y a déjà plein de certitudes. Dire, le 1 et le 2, bon, sont quasiment prêts. Et ils sont qualifiés pour les playoffs. Les 5 derniers sont sûrs d'être éliminés, c'est terminé. Blazers Warriors sont sûrs, eux, d'être en play-in, mais pas d'avoir accroché les play-offs. Eux, c'est sûr qu'ils sont en play-in. Ils pourront pas aller au-delà. Et les Clippers, bon, sont bientôt sûrs d'aller en play-in, mais ils ont encore une chance de pouvoir accrocher, en tout cas mathématiquement, le 6e spot, comme Phoenix. Mais je pense tout de même que c'est quand même un peu trop loin désormais. Ouais, je pense que eux, leurs places 1 à 6, pour moi, sont dessinées. Maintenant, l'ordre, surtout au niveau entre 3 et 6, voilà, ça va être là l'ordre. Et le play-in, je pense qu'on va avoir droit à Phoenix contre les Clippers et à Blazers contre Warriors. Sans trop mouiller, sans trop prendre de risques, je pense que c'est les affiches du play-in à l'ouest. On s'y dirige tout droit. Bon, et nous, cette semaine, on joue quoi? Des équipes de l'Est, de l'Ouest? Eh bien, plus d'équipes de l'Ouest que de l'Est. Le road trip va se terminer sur deux dates. Et en plus, c'est en back-to-back. Bon, l'ordre du back-to-back, il est peut-être plus avantageux dans cet ordre-là que dans l'ordre inverse. Ouais. À savoir que ça sera dans la nuit de mardi à mercredi que les Knicks vont se déplacer à Houston. Retrouver Kevin Durant, Şengün, tout ça. Donc on n'aura pas de problème. Espérons qu'on n'aura pas de problème à Houston. On sait ce que ça vaut, les problèmes de Houston. Ensuite, déplacement chez les Grizzlies. Il ne faudra pas vendre la peau de l'ours avant de les avoir tués. Eh non. Dans la nuit de mercredi à jeudi, le 1er avril. Voilà, pas de blague, pas de mauvaise blague dans le Tennessee. Je sais que l'ours a pris quelques bastos. Oh oui. C'est une bête blessée depuis un moment. Il n'y a plus de Jaren Jackson Jr. Il est dans le Utah maintenant. Mais Ja Morant, il va jouer, il ne va pas jouer, il est blessé. Tu vas nous dire ça dans quelques instants. Et pour finir, au rayon des bébêtes, on retourne à la maison vendredi soir. Réception des Chicago Bulls de Gershon au Madison Square Garden. Bon, ah, ils vont être là, les Bulls, oui, ils vont être dans l'arène, là, c'est sûr, dans l'arène new-yorkaise. Est-ce qu'on aura des matadors à mettre en face? On verra tout ça. Alors, du coup, trois équipes. C'est quoi les forces en présence? C'est quoi les dynamiques? Il y a des blessés? Ça joue quoi? Raconte-nous un peu. Alors, Houston, actuellement, bon, ben, on connaît les blessés. Ils en ont que deux, mais pas des moindres. Et puis avec des grosses blessures. qui les ont amenés à être out toute la saison, Steven Adams et Fred VanVleet. Donc, mine de rien, ton pivot et ton meneur, bon, ils ont joué sans quasiment toute la saison. Ça ne les empêche pas d'être avec un bilan qui est presque similaire à ceux des Knicks. Sinon, hormis ça, ils n'ont personne d'autre actuellement en blessure. Au niveau de leur dynamique, ben, c'est vrai que je regardais leur... ils ont fait quelques petites séries. Leur plus grande série, ça a été des 5 victoires consécutives. Mais c'était au tout début de la saison. Et ensuite, ben, c'est j'enchaîne 3 victoires, puis 2 défaites, puis 2 victoires, puis une défaite. Puis, tu vois, c'est toujours vraiment... leur deuxième partie de saison est vraiment étonnante. Ouais, c'est... En fait, c'est irrégulier dans la régularité. Voilà, c'est je perds, je gagne, je perds, je gagne. Donc là, sur leurs 5 derniers matchs, ils sont à un bilan de 3 victoires pour 2 défaites. Ils ont perdu contre Chicago, ils ont perdu contre Minnesota en overtime, alors qu'ils ont mené au score pendant tout le match. Ils ont eu en plus une grosse avance. Et puis, ben, Julius. Le bon vieux Julius. Il a fait un gros match. Et c'est lui qui marque le panier de la gagne. Et à côté de ça, ils battent de 1 point le Heat. Ils battent de 10 points Memphis. Et cette nuit, ils ont éclaté la Nouvelle-Orléans qui retombe un peu dans leur travers de 32 points. 134-102. Donc, au prochain match... Avant de nous jouer... Ils joueront personne. Comme ils se reposent. Avant de nous jouer, ils se reposent et c'est très bien comme ça. Avant de nous jouer, ils seront frais. Donc ils seront frais. Shengun sera frais. Durant sera frais. Capella sera frais. Sera frais. C'est Amen Thompson. Sais plus entre le Ossar et le Amen. Je sais plus. Je crois que c'est Amen Thompson. Ouais, c'est Amen. Il sera frais en tout cas. Le Smith sera frais. Ok. On s'était imposé de 2 points. De 2 points au Garden en février dernier. Est-ce que KD voudra prendre sa revanche? Méfiance en tout cas. Ah bah c'est là-bas, hein. Pas évident. Alors ensuite, les ours, les Grizzlies. Eux, de leur côté, ils ont quand même pas mal d'absents. Hein. Je pense que là, on est sur une mise au vert et une ja ou pas ja pour tout le monde. Ja. Ja Morant est noté comme absent. En tout cas, statut out. On a... Accrochez-vous. Alors, qui est noté absent? Kentavious Caldwell-Pope, Scottie Pippen Jr., Santi Aldama, Brandon Clark, Ja Morant, Zach Edey. Et en day-to-day, on a Walter Clayton Jr., Olivier Maxence Prosper, Taj Gibson. Tiens donc, le tonton. Et Ty Jerome qui est aussi annoncé out et Jalen Wells. Alors est-ce que Jalen Wells a joué au dernier match? Ça, je vais te le dire tout de suite. Ils ont joué sur les derniers matchs. Ils ont gagné la nuit d'avant, pas celle-là, celle d'avant. Ils ont gagné de 1 point contre les Chicago Bulls, tu vois, de 124-125. Sinon, ils étaient sur une série de défaites. Bon, de toute façon, là, eux, clairement, ça joue le first pick, hein. Et qui ils avaient aligné? Ils avaient aligné, tiens-toi bien, Olivier Maxence Prosper, Cedric Coward, Gigi Jackson, Javon Small et Ryan Rupert. Voilà. Bah, méfiance quand même, parce que c'est le genre de joueurs qui n'ont rien à perdre, qui sont capables de nous embêter. Tyler Burton, Dejon Jawo, Jemai Machak, Adama Ball. On n'en a pas parlé, c'était un joueur qui est parti de New York, qui jouait en Westchester, Knicks. Hein, et bah, du coup, il est rendu là-bas. Donc, on va retrouver les retrouvailles. Ça peut être son match de la rivalité. Et Walter Clayton Jr. De toute façon, tu auras forcément un mec là. Alors, je pense que c'est Cedric Coward, parce que c'était leur rookie hautement drafté. Mais là, tu vas avoir un mec là-dedans, tu vois, qui va nous faire un match. Ouais. Son record en carrière. Bah voilà. Bon, il en faut bien un de toute façon. Il y en a bien un qui va marquer des points, mais. Bon, voilà. Et c'est Chicago Bulls alors. Comment ça va, Vax? Alors, les Chicago Bulls. Bon, écoute, eux, qui ils ont noté? Donc, Noah Esengue. Alors, attends. On a Mac McClung, Anfernee Simons. Alors, Gershon est en day-to-day. Il sera questionnable contre San Antonio. Donc, voilà. Ah oui, Memphis. Memphis, avant de nous jouer, pardon. Ils joueront Phoenix avant de nous jouer. Ils sont en bas. Ils ne sont pas en back-to-back. Non, ils ne seront pas en back-to-back. Non, non, non, non, non, non, non. Ils joueront au Phoenix. Voilà, voilà. Ensuite, donc, on a dit Chicago. Il va leur manquer Nick Richards, normalement. Fernie Simons, Mac McClung. On a un Gershon qui est en day-to-day. Jaden Ivey et Jalen Smith oui. aussi. Enfin, bref, ils ont quand même pas mal de joueurs qui sont absents. Pour te dire, leur dernier match était contre Memphis. Ils avaient aligné donc Josh Giddey et Trey Jones, Leonard Miller, Matas Budzelis et Isaiah Okoro. Et en sortie de banc, on a Patrick Williams, Lachlan Olbrich, Colin Sexton et Rob Dillingham. Voilà un petit peu ce qu'ils avaient aligné sur leur dernier match. Et puis eux, ouais, avant de nous jouer, là, ils ont perdu contre Memphis, contre Oklahoma, contre Philadelphie, contre Cleveland, contre Toronto. Ils ont gagné contre Houston. Ils ont gagné contre Houston. Ils avaient gagné aussi contre Memphis avant. Voilà, mais bon, ils sont surtout dans une dynamique de défaite. Donc, Et avant si, de... 29 victoires, ça va être compliqué d'aller jouer le first pick à la loterie. Mais bon, les victoires n'ont plus trop d'intérêt maintenant non plus. Ils avaient fait un très bon début de saison. Certains étaient surpris par ces Bulls. Et puis finalement, ils avaient un Giddey qui était fou, quoi. Ouais, ils avaient commencé par un 6-1. Et puis après, ouais, c'était vite. Avant de nous jouer, bon, ils jouent à San Antonio. Ok. Quelque chose. Ils reçoivent Indiana. Il n'y a aucun back-to-back les concernant. Voilà. Ok, alors on a fait le tour du programme, on sait quels sont nos adversaires, et maintenant, c'est quoi le match immanquable de la semaine? Houston. Bah oui, oui, oui. Ça paraît évident sur le papier, c'est l'équipe la plus haut classée, c'est la seule qui a un bilan au moins supérieur aux 50% de victoire. Oui, c'est évident. Alors, une fois qu'on a dit ça et que je te suis sur ce Houston, la question, c'est le prono. Hein, bon, la semaine dernière, t'avais bon. Bravo, bravo. Une victoire, deux défaites. T'as bon dans les pronos négatifs. Est-ce que cette semaine, tu vas avoir bon ? Est-ce que cette semaine, on va être avec un bilan positif ? Qu'est-ce que tu vois dans ces trois matchs ? Une, deux, trois victoires ? Non. Non, pas trois victoires. Non, trois défaites ? Non, trois défaites. Non plus. Non. Écoute, un match nul ? Trois victoires, trois défaites, j'ai envie de te dire, un peu. C'est inquiétant, là. Dans le sens où on perd contre Houston. Donc, on continue notre série de défaites. Ah, d'accord. OK. Voilà, on était sur deux, on passe à trois défaites. Mais on se rassure parce qu'on arrive à gagner les nuls. Ça encore, on peut se le permettre. Donc, Grizzlies et Chicago, on les bat. Voilà. Alors, je te dis pas qu'on survole les débats, hein. Alors, il est possible qu'on en colle une belle contre Memphis parce qu'ils alignent quand même une équipe qui est vraiment très faible. Mais il est possible qu'on se fasse peur contre les Bulls. Mais je pense qu'on perd contre Houston, on tape comme il faut Memphis et on gagne Chicago, mais sans vraiment être en mode « Ouais, t'as vu, on est vraiment les plus forts. » On les gagne, mais voilà. On fait le job, mais sans fanfaronner pour autant. Exactement. Ce qui nous ferait 50 victoires à la fin de la semaine. Bon, ok. Pas loin du bilan de l'année dernière. Ok, bon. Est-ce que je suis joueur ou est-ce que je suis pas joueur? Ah, t'avais les mêmes... Bah, j'aurais pu partir sur ça, ouais. Mais je vais partir sur autre chose. Il y a un élément que t'as pas trop, sur lequel t'es pas trop insisté, c'est le back-to-back. Et back-to-back, généralement, Mitch, il les joue pas. Donc... Il jouera le premier. Il a loupé un des deux matchs. Je pense qu'il va jouer le match face à Houston. Ça paraîtrait la logique. Plutôt que d'aller jouer le match face aux Grizzlies. Donc voilà, on devrait avoir plus de force à proposer face à Houston. Est-ce qu'on va dominer leur raquette, tout ça? Est-ce qu'on va avoir de la dissuasion? Allez, moi pour le coup, je vais partir sur le 3-0. 3 wins. voilà, le back-to-back, c'est pas un problème. On a perdu avec les honneurs face à OKC, mais on avait gagné sans fanfaronner de 2 points face à Houston. Si les Bulls ont tapé les Rockets, pourquoi pas nous? Après tout. Est-ce qu'il y a vraiment encore de la logique dans cette NBA en fin de saison régulière? Est-ce qu'ils vont reposer des joueurs? A priori, pas forcément, puisque de toute façon, Houston a aussi sa place à consolider. C'est l'équipe qui joue quelque chose, mais voilà, ça va être le match disputé de la semaine. Là où les autres, attention à ne pas tomber dans un match piège, de se faire surprendre par des jeunes joueurs de Memphis qui nous font courir dans tous les sens et nous, on arrose comme des CON à 3 points sans rien mettre. Bon, en tout cas, effectivement, là où il y a plus questionnement, c'est le match à Houston. Mais je vais prendre le contre-pied de ta défaite et dire plutôt que non, on va gagner. On va pas mettre, on va pas avoir une série de 3 défaites. On arrête tout ça et on termine le road trip sur du positif avec 2 victoires. Ce qui serait pas mal, ça ferait un bilan de 50% sur le road trip. Bon, donc, voilà. Donc là, on partir sur un 3-0. On égalise du coup le bilan de l'année dernière. Bah bien sûr, monsieur, on m'a dit qu'avec avec Mike Brown, ça allait être mieux que Thibodeau. Donc, moi, je reste sur ce qu'on m'a dit. Si c'est pas le cas, virons le coach, quoi. Bah, bravo. Ah, mais attends, imagine, blague à part. Si on fait un moins bon bilan en régulière et qu'on fait un moins bon bilan en playoff, le mais business on... NBA non, est attends, implacable. Je suis pas d'accord. On m'a dit... Ça va pas aider Mike Brown à rester et conserver sa place. Je suis pas d'accord. On m'a dit la régulière là. Amusez-vous parce que nous c'est les playoffs. Hein. Donc la régulière, ça nous c'est on s'inquiète que des playoffs. Eh ben on s'en fout de la régulière alors. On s'en fout du bilan de la régulière. On va voir. Non, mais si le bilan de l'année 1 du coach est moins bon et en régulière et en playoff, ça va changer. Ben, c'est qu'il aura et avec le même groupe. Avec quasiment. Ouais, et avoir même des joueurs peut-être plus souvent là. Mitch, il aura été là toute la saison. Et avec un banc peut-être même mieux fourni. Enfin, tu, donc... tu remplaces qui ça qui c'est qu'on avait l'année dernière? Campaign. Qui c'est qu'on faisait jouer? On avait notre triplette de des rookies. Mecs. Non, mais en fait, oui, on avait quand même des joueurs du banc qui étaient quand même plus forts. Quoi. Bon, non, mais. On verra, chaque chose en son temps. Le juge de paix, tout le monde dit c'est les playoffs. Alors, le bilan, on s'en fout. Là, on sait qu'on va finir troisième. Donc maintenant, eh ben, allez. Que les jeux commencent. Et on va aller en playoffs. Et on va voir les playoffs. Ouais, c'est sûr, on va aller en playoffs. Bon voilà, vous avez compris, on est impatient de passer à la suite. Cette fin de saison régulière, elle est un peu longue et elle nous a pas des masses emballées. On n'a pas été convaincu par la régulière, mais peut-être qu'on sera emballé. On demande que ça, on aspire qu'à ça, de voir les Knicks triompher, célébrer sur Broadway. Mais la route est encore longue. Hein. D'ici là, on aura l'occasion de vous retrouver, quand ça, la semaine prochaine. Même endroit, même heure. Pas vraiment. Pourquoi ? Eh ben oui, parce que c'est le lundi de Pâques. Et on n'a pas le droit d'enregistrer les lundis de Pâques. Voilà, c'est notre religion qui nous... Eh oui. Oh, en fait, non, on s'en fout. Non, on vous donnera sûrement rendez-vous mardi prochain, exceptionnellement, avec la chasse aux œufs qui nous attend. Et on aura donc un nouvel épisode, le 153e. 153, 3, ouais, tout s'y tient. Allez, portez-vous bien. Bonne semaine à toutes et à tous. Voisin du dessous. Ouais. Bonne chance pour les chasses aux œufs. Et on se donne rendez-vous semaine prochaine pour de nouvelles aventures avec les Knicks. Let's go! Ciao ciao!